Rouler sous la neige est extrêmement fatigant pour les yeux. Les routes qui n'ont pas été déneigées exigent une grande vigilance de la part du conducteur. Dérapage, distance de sécurité, anticipation, freinage, allure, tout doit être maîtrisé. Aussi, dès que possible, je m'arrêterai pour me reposer, faire quelques mouvements et nettoyer mes feux qui doivent être plus ou moins recouverts de neige et émettre une faible lueur qui ne permet pas d'être bien vu. De toutes les manières, une pause après 2 heures de conduite, même par beau temps, c'est une bonne chose. Réponse A et C.